Chapitre 5e. Les témoins de Julien se rendirent rue d'Aumale à l'issue de la réunion, et en quelques mots, ils firent connaître à leur client à peine attentif ce qui avait été résolu. « Un mot, cependant, dit-il, qui a proposé le bois de Ville-d'Avray ? L'un des témoins de Bresson. J'ai accepté, le bois n'étant pas fréquenté les jours de semaine, et à tout événement, le père Cabassu étant tout prêt. » « Je pense que cela ne te contrarie pas, » interrogea Sextius, bon enfant. Julien acquiesça de la tête et voulut parler d'autre chose. « Ah, mais non, par exemple, » s'écria Sextius, bon enfant. « À présent que l'affaire est dans le sac, montre-nous l'étiquette. Nous avons 1000 tonneaux en Perse, il faut goûter le vin. » À ces métaphores redondantes, il est facile de reconnaître un Provençal et un Provençal de vieille souche, pour qui l'interrogation directe et la réponse catégorique sont impossibles. Sextius, bon enfant, avait été l'ami d'enfance du père de Julien, et il avait reporté sur le fils de son camarade une tendre affection. Jeune encore, tout au moins alerte, pétulant et d'une ardeur que l'embonpoint et la goutte n'avaient pu dompter, Sextius, bon enfant, n'était jamais arrivé à prendre tout à fait le ton parisien, bien qu'il habitât Paris depuis une quinzaine d'années. Il avait conservé l'accent et les gestes du terroir. Il affectionnait les grosses plaisanteries et les plantures au repas. Son tempérament expansif étouffait dans les salons. Il lui fallait le grand air et les foules tapageuses, le cliquetis bariolé du boulevard et les violentes émotions des mouvements populaires. Julien le gourmandait quelquefois et lui reprochait affectueusement de ne pas vouloir se laisser présenter dans le monde. « Un églantier ne donnera jamais des camélias. » répondait Sextius, bon enfant, et il continuait à vivre à sa guise, indépendant, gouailleur, la face largement épanouie par la bonne humeur et les mains toujours ouvertes. Cet excellent homme avait suivi à la lettre les instructions de Julien pour le règlement du duel. Bien qu'il enrageât de convenir tacitement que son ami avait tous les torts, il se contint. Cet effort sur lui-même réalisé, il comptait se dédommager maintenant et il voulait savoir pourquoi Julien se battait. Tout différent était l'autre témoin, M. Arnold Barthes, attaché à la légation suisse. Froid, réservé, circonspect, la loyauté fait homme, il n'accordait son amitié qu'à bon escient et à ses amis il donnait un dévouement aveugle. Persuadé que tous les hommes de cœur accomplissent un devoir par chacun de leurs actes, il ne discutait jamais un service sollicité, et respectait scrupuleusement ce qu'il croyait être un secret. Aussi, devinant l'intention de M. Bonenfant, se récria-t-il. « Le Mont Blanc, avec ses glaces éternelles, n'est pas le Mont Ventoux, sans cesse tourmenté par le Mistral, » dit l'incorrigible Bonenfant. Mais Julien s'interposa. « Messieurs, je veux vous dire les motifs de ce duel. Merci, d'abord, de la confiance que vous avez en moi. Hier soir, j'aurais peut-être été embarrassé pour m'expliquer. » La nuit porte conseil, j'ai réfléchi, je dois tout vous dire. Je ne veux pas exposer notre solide amitié à être entamée par les cancans. Julien fit une pause. S'étant redressé, ayant croisé les bras dans l'attitude d'un homme qui s'attend à un assaut, il laissa tomber cette phrase « Je me bats pour une femme ». M. Arnold Barthes ne sourcilla pas. M. Bonenfant, lui, enchanté de son indiscrétion, dit au diplomate. « Eh bien, le Mont Ventoux est-il si bête quand il secoue à son tour le Mistral ?»« Et qui plus est, » continua Julien, « pour une femme de ma vie. » L'ébahissement de Sextius fut si comique que le jeune Suisse ne put s'empêcher de rire. « Mais, cher monsieur, tout dépend des circonstances. Je crois, quant à moi, que notre ami a de sérieux motifs. C'est bon. Dites tout de suite que je suis une vieille perruque. Je me suis battu 17 fois. C'était la mode en 1830. » On ne faisait pas tant de façons. Les trois glorieuses. Une folie. Tu es blanc? Oui. Ça ne peut pas m'aller. Et blanc, un coup d'épée. Mais pour une femme, mon père m'aurait déshérité, et c'eût été bien fait. Sextius, bon enfant, avait parlé avec une telle volubilité qu'il fut obligé de respirer. Julien en profita pour prendre le dessus. Voilà précisément ce qu'il ne faut pas que vous laissiez dire à d'autres, mon cher et bon ami. Se battre pour une femme de ma vie, c'est absurde, sinon odieux, à moins, écoutez-moi bien, que ce ne soit un acte de réparation et de charité. Julien était devenu très sérieux. Son vieil ami, ému de sa gravité et craignant de l'avoir blessé par sa fougueuse raillerie, lui prit les mains. Le jeune homme ne le laissa pas s'excuser. « Je connais trop le caractère de notre Provence, reprit-il, pour vous en vouloir. Je savais d'avance que vous vous récrieriez, sans prendre la peine de m'entendre. Maintenant que vous avez jeté feu et flamme, je vous dirai très sérieusement ceci. Une jeune fille d'une honorable famille de notre pays est sur le bord de l'abîme. Pour la sauver, il faut un coup d'éclat. Me reprocherez-vous de m'y être dévoué? Tu nages en plein roman. Tu travailles dans le mélodrame, mon cher Julien, dit son compatriote. Mais cette fois, posément et avec un véritable et sincère intérêt. Point du tout. Entré par hasard à ma ville, il y a 15 jours, je vis une jeune femme très entourée et je reconnus en elle Mélanie Ripert. La fille des Ripert de Saint-Cana? Oui, la fille aînée, la seule qui survit. Vous comprenez quelle fut ma stupéfaction, et je puis le dire, ma douloureuse émotion. J'étais très intimement lié avec la famille Ripert. Tes relations continuent-elles? Non. Raison de plus pour que je me sois cru obligé de tenter le sauvetage de cette pauvre jeune fille. Je l'avais laissée tout enfant, et je ne l'aurais certainement pas reconnue si elle n'était la vivante image de sa mère. Supposez ce portrait animé et ce mouvant, c'est Mélanie. Vous vous rappelez, Madame Ripert, ses grandes et belles manières, sa grâce enchanteresse, sa démarche, pour ainsi dire, aérienne, ses airs de tête d'une adorable mutinerie, car vous en avez été amoureux vous aussi, monsieur Bonenfant. Oh, moi, j'étais bon enfant tout court, et Sextius, roture et provençalisme, fille, la belle était dédaigneuse. D'ailleurs, à cette époque, elle protégeait les nobles adolescents. Et tu étais dans les meilleures conditions. Ta famille possédait un château près de Saint-Cana et résidait l'hiver à Aix, une vraie conquête. Chut, mauvaise langue. J'ai donc rencontré Mélanie, qui, naturellement, ne pouvait me reconnaître. Je me suis livré à une enquête minutieuse et j'ai acquis la certitude qu'elle fait en tout point honneur à son surnom de Vierge de Mabie. Oh ! C'est comme j'ai l'honneur de vous l'affirmer. Et je vous assure, mon cher Arnold, que j'ai fait là un apprentissage fort utile. Décidément, j'ai la bosse de la diplomatie. Julien raconta la scène de ma vie, puis « Vous reconnaissez bien à tous ces traits Madame Ripert, n'est-ce pas, mon cher monsieur Bonenfant? Ce sont les mêmes audaces, c'est la même forfanterie du vice. Je ne serais pas du tout étonné si Mélanie était parvenue à se convaincre de la réalité du roman qu'elle invente. Qu'il y ait eu dans l'entourage de sa mère quelques cyniques vieillards, et qu'on ait voulu le lui faire épouser, c'est possible, c'est probable. Mais ce n'a été qu'un vague projet. Peut-être même de là est résultée la fuite de Mélanie. Je ne tiens pas tous les fils de cette intrigue, je l'avoue. Il me faudra du temps, de la patience, de l'habileté et de la chance pour la dénouer. L'essentiel était de frapper un grand coup sur l'esprit de la jeune fille. Voilà pourquoi j'ai accentué le brutal démenti que je lui donnais. À quoi bon ? Interrompit Bonenfant. Les sifflets d'alarme des locomotives ne sont pas répétés. C'est ce qui explique les déraillements si nombreux. Si je n'avais pas insisté, si j'avais faibli, Mélanie se serait abandonnée à quelqu'une de ces démonstrations pathétiques familières à sa mère. Elle aurait pleuré, à moins qu'elle ne se fût drapée dans un majestueux dédain, et par le premier détour, elle se serait échappée. Désormais, au contraire, je la tiens. L'émotion que lui donnera ce duel, car elle y assistera, gardez-vous d'en douter. Cette émotion me la livre à discrétion. Pour dompter une ripère, il faut une volonté que rien n'arrête, une force de caractère qui ne mollit jamais. J'ai une revanche à prendre, et je la prendrai en faisant une bonne action. » Julien conclut en ces termes. « Maintenant, vous savez tout. Dites-moi franchement si vous approuvez ma conduite. » Pour toute réponse, les deux témoins lui tendirent la main, et par une vigoureuse étreinte, lui prouvèrent qu'il pouvait compter sur eux. Je crains seulement, mon cher enfant, que cette affaire ne te mène fort loin. Tu vas vouloir amener Mélanie à sa mère. Dans cette maison où le drame est en permanence, tu auras à soutenir des luttes bien autrement sérieuses que ton duel de demain. Chaque jour suffit à sa peine. En attendant, allons dîner. Et ils passèrent tous les trois dans la salle à manger, et causant désormais de choses et d'autres, ils firent, M. Bonenfant surtout, honneur à un succulent dîner de garçons. Julien s'y entendait à merveille, il avait puissamment contribué à acclimater à Paris la cuisine provençale. Ils étaient sans doute encore à table, lorsqu'à une autre extrémité de Paris se réunissait le second groupe de personnages intéressés dans cette affaire. La duchesse avait donné rendez-vous à Bresson et à ses témoins aux Champs-Élysées, autour du petit square qui verdoie sur l'une des contre-allées précédant le palais de l'industrie. « À la nuit, je vous attendrai », avait-elle dit. Au mois de juillet, le jour est lent à disparaître. La duchesse, espérant que ses amis viendraient plus tôt, était au rendez-vous dès 7h30. Edgar Bresson, à Adeltara, et le gros Robert n'étaient pas moins impatients que la jeune femme. Depuis plusieurs heures, ils étaient ensemble, et depuis le même laps de temps à peu près, ils n'avaient plus rien à se dire. Chacun, à part soi, aurait bien voulu s'échapper et aller guetter aux Champs-Élysées l'arrivée de la duchesse, afin de tout dire le premier. Quelle excellente façon de faire sa cour! Mais ils se surveillaient l'un et l'autre et se tenaient solidement unis. Le temps, qui malgré tout s'écoule, sonna l'heure de leur mutuelle délivrance. Ils s'acheminèrent tous les trois du côté du palais de l'industrie. La duchesse, qui scrutait toutes les contre-allées, les vit venir et se porta à leur rencontre. « Enfin » s'écria-t-elle, 10 pas avant qu'elle ne les eût rejoints. Et quand ils se furent tous rapprochés, « Pas de mots inutiles, des faits. »« C'est pour demain matin, » dit Bresson. « L'heure, le lieu, l'arme, on le lui dit. »« Savez-vous, cher ami, » hasarda le journaliste, « que vous êtes dur pour de pauvres amoureux qui ont travaillé pour vous toute la journée ?»« Monsieur d'Altara, » dit la duchesse, « je fais comme vous. Vous cherchez d'abord un titre à effet qui allège le lecteur. Peu vous importe si l'article est vide, le tour est joué. Vous m'avez donné mon titre, maintenant faites, si vous voulez, votre article. Je suis obligé de le subir. » Attrape, pensèrent les deux autres. Mais d'Altara n'était pas homme à se laisser facilement démonter. Se penchant à l'oreille du gros Robert, il lui dit assez haut pour être entendu, « Parlez-lui donc de ce portrait que possède M. de Mulset. » Une tigresse à qui on enlève son petit ne doit pas avoir des retours offensifs plus violents que celui par lequel la jeune femme revint à eux. Déjà, elle avait fait quelques pas en avant, se dirigeant vers le massif d'arbres au pied duquel se trouvaient des sièges disponibles. En entendant la phrase traîtresse de d'Altara, elle fit une brusque volte-face. D'un geste impérieux, d'un fulgurant regard, elle les cloua sur place. Les deux hommes, quel que fût leur impertinent scepticisme, n'étaient pas à leur aise. « Laissez-moi vous expliquer, » balbutia le gros Robert. « Vous expliquer? Qu'ai-je à faire de vos explications? La vérité? C'est peut-être une coïncidence de hasard. Ce monsieur a chez lui un portrait qui me ressemble. Est-ce cela? Oui. Comment est-il? Grand, petit, à l'huile? Est-ce une photographie? C'est un portrait à l'huile, d'un fer solide, autant que j'ai pu m'en assurer, » dit d'Altara, d'une voix mal affermie, comme un homme qui se sent pris en défaut. Il ne se trompait pas, la semonce qu'il craignait tomba sur lui à coups précipités. « Je vous croyais plus fort, monsieur d'Altara, » dit la jeune femme. « Je m'étais laissé dire que rien qu'acheter un coup d'œil furtif dans un salon, vous l'aviez inventorié avec autant de détails qu'un commissaire-priseur en ses interminables descriptions. Que m'importe à moi le fer solide ou liquide? Ce que je veux, c'est la pose, la couleur de la robe, la coiffure, les accessoires. » Elle appuyait chaque mot qu'elle prononçait lentement d'un regard droit et net qu'elle effouillait la mémoire du journaliste. D'Altara, doublement piqué dans son amour-propre de reporter et d'amoureux, fit effort sur lui-même et, comprimant dans ses mains son front et ses yeux, il rédigea la description suivante, qu'on dirait calquée sur quelque compte-rendu artistique. « Femme jeune, jolie et belle, élégante surtout. Quand il arrive un artiste, le rare bonheur de trouver un tel modèle, il n'a d'autre préoccupation que de le rendre fidèlement. Les cheveux relevés à la grecque, la tête de grand trois quarts, épaules et bras nus, un corsage de moire antique noir qui fait ressortir la blancheur des chairs. À l'échancrure, un simple nœud de satin ponceau dont le ton vif est amorti par un transparent de dentelle. Le bras droit ramené à la ceinture. La main droite tient à demi ouvert un éventail, dont les mentons en nacre blanc ont des appels de lumière également ponceaux. Le bras gauche, au second plan, et comme perdu dans les plis d'une longue robe de moire noire, très ample par derrière et formant tablier par devant pour laisser voir de mignons petits pieds, chaussés de satin blanc, le tout hardiment enlevé sur un fond neutre, le gris nuageux de l'indéterminé et que fixe à peine le sol formé d'une ancienne tapisserie. Soit curiosité satisfaite, soit détermination prise, soit supercherie féminine, à mesure que Deltara parlait, la duchesse redevenait elle-même souriante et le regard caressant. Lorsque le jeune homme se tut et dégagea sa figure de l'étreinte nerveuse de ses mains, elle lui dit « Allons donc, je savais bien que vous reconstitueriez ce tableau. Décidément, mon cher, vous n'avez pas volé votre réputation, tout est exact. Vous n'avez omis qu'un détail. Le portrait si bien écrit par vous doit avoir entre les deux yeux un signe semblable à celui que j'ai à la naissance du menton. C'est fort possible, mais vous comprenez que je n'ai pas pu regarder à la loupe. Vous êtes tout excusé, mon cher Deltara. » Changeant brusquement de conversation, la duchesse prit le bras d'Edgar Bresson, jusque-là resté à l'écart et qu'il était essentiel de tenir en haleine. C'était chose facile au surplus. Le jeune veston court comptait sur cette aventure pour sortir de pair et se poser dans le monde des viveurs. Il avait de plus le secret espoir que la belle serait subjuguée par son courage. Il ne demandait qu'à marcher. La soirée se termina sans autre incident notable et l'on se sépara vers 10 heures après s'être donné rendez-vous pour le lendemain midi au restaurant de la place de la Madeleine. Du portrait, il n'avait plus été question. Seul, le jeune Edgar ne s'en préoccupait nullement. Ses témoins n'avaient aucun motif pour troubler sa quiétude et ne lui en parlaient pas. Quand il fut parti, ayant arrêté avec eux les dispositions définitives pour le lendemain matin, Deltara et le grand Robert s'interrogèrent du regard, hésitant à se communiquer le résultat de leurs réflexions. « Eh bien, mon gros, » dit enfin le journaliste, « commencez-vous à croire que cette affaire n'est pas dénuée d'intérêt ? Pour peu qu'elle continue, elle sera trop intéressante. Je crois bien que nous avons fait une sottise avec ce portrait. C'est sa faute aussi, pourquoi se moque-t-elle toujours ? Il y a dans tout ceci quelque effroyable mystère de famille. La duchesse a trop vite pris son parti pour qu'elle ne nous réserve pas quelques surprises. Bon, après tout, nous verrons bien. »